Pour la première fois en France, Trunel est un poète. Notre histoire était tout ce qu'il y a de beau. Elle était, elle est toujours en photo. Mais ne t'accroche pas à des souvenirs. Ça ne se recrée pas, ça fait souffrir. N'oublie jamais ce qu'il y avait de beau. Mais ne vivre que par ça serait de trop. Et ne t'accroche pas à cette ficelle qui veut t'empêcher d'avoir des ailes. Qui veut t'empêcher d'avoir des ailes. Tu sais comme moi que le temps est une fable qui découpe nos vies pour nous permettre d'être plus stables. Le présent est ambigu, le reste est déjà perdu. Et lâche cette idée que passé et présent se confondent. Notre vie est un point, notre vie n'est pas une onde. À quoi bon se retourner si l'on ne peut reculer? Vivre au jour le jour est bien la seule chose qui nous reste. Vivre dans les souvenirs est quelque chose qui me blesse. Apprécier le quotidien, juste espérer le lendemain. Est-ce qu'on verra un jour l'importance de l'instant? Ou faudra-t-il attendre d'être vieux et finissant? Est-ce que pour comprendre les règles du jeu, il faut être deux? La sagesse arrive-t-elle quand l'espoir disparaît? Le temps à ce moment devient-il concret? Et si j'étais seul avant de dire adieu? Est-ce qu'on aura un jour la chance de tout savoir? Est-ce que tu me suivras pour le voir? Car il faut être deux pour faire vibrer l'espérance et ne pas avoir peur du cœur sur la balance. Alors sans y penser, on se tient à la main. Alors sans avoir peur, on suivra le chemin. La mort n'est qu'une étape, disent les grands sages. Mais t'avoir à peu près de moi vaut bien plus que ces mirages. C'est comme moi que le temps est une fable qui découpe nos vies pour nous permettre d'être plus stables. Le présent est ambigu, le reste est déjà perdu. Et lâche cette idée que passé et présent se confondent. Notre vie est un point, notre vie n'est pas une onde. À quoi bon se retourner si l'on peut reculer? Seule chose qui nous reste, vivre dans les souvenirs est quelque chose qui me blesse. Apprécier le quotidien, juste espérer le lendemain.